Chapitre 4. Comment le prince Léo jugea qu'il avait eu grand tort de se déranger et qu'il eût mieux fait de rester en Afrique. 4. Sire, c'est au Balmusard que son Altesse put enfin aborder face à face un lion parisien. La rencontre fut contraire à tous les principes de reconnaissance de théâtre. Au lieu de se jeter dans les bras du prince, comme l'aurait fait un vrai lion, le lion parisien, voyant à qui il avait affaire, pâlit et faillit s'évanouir. Il se remit pourtant et s'en tira. Par la force, me direz-vous, non, sire, mais par la ruse. Monsieur, lui dit votre fils, je viens savoir sur quelle raison vous vous appuyez pour prendre notre nom. Fils du désert, répondit de la voix la plus humble l'enfant de Paris, j'ai l'honneur de vous faire observer que vous appelez lion, et que nous nous appelons lion, comme en Angleterre. Le fait est, dis-je au prince, en essayant d'arranger l'affaire, que lion n'est pas du tout votre nom. D'ailleurs, reprit le parisien, sommes-nous forts contre vous. Si nous mangeons de la viande, elle est cuite, et celle de vos repas est crue, vous ne portez pas de bague. Mais, a dit son Altesse, je ne me paye pas de semblables raisons. Mais on discute, dit le lion parisien, et par la discussion l'on s'éclaire. Voyons, avez-vous pour toilette et pour vous faire la crinière 4 espèces de brosses différentes? Tenez, une brosse ronde pour les ongles, plate pour les mains, horizontale pour les dents, rude pour la peau, à double rang pour les cheveux. Avez-vous des ciseaux recourbés pour les ongles, des ciseaux plats pour les moustaches, 7 flacons d'odeurs diverses? Donnez-vous tant par mois un homme pour vous arranger les pieds? Savez-vous seulement ce qu'est un pédicure? Vous n'avez pas de sous-pieds, et vous venez me demander pourquoi l'on nous appelle des lions. Mais je vais vous le dire, nous sommes des lions parce que nous montons à cheval, que nous écrivons des romans, que nous exagérons les modes, que nous marchons d'une certaine manière, et que nous sommes les meilleurs enfants du monde. Vous n'avez pas de tailleur à payer. Non, dit le prince du désert. Eh bien, qu'y a-t-il de commun entre nous? Savez-vous mener un tilbury? Non. Ainsi, vous voyez que ce qui fait notre mérite est tout à fait contraire à vos traits caractéristiques. Savez-vous le whist? Connaissez-vous le jockey club? Non, dit l'ambassadeur. Eh bien, vous voyez, mon cher, le whist et le club, voilà, voilà les deux pivots de notre existence. Nous sommes doux comme des moutons, et vous êtes très peu endurants. Nieriez-vous aussi que vous ne m'ayez fait enfermer? Dit le prince, que tant de politesse impatientait. J'aurais voulu vous faire enfermer que je ne l'aurais pas pu, répondit le faux lion en s'inclinant jusqu'à terre. Je ne suis point le gouvernement. Et pourquoi le gouvernement aurait-il fait enfermer son Altesse? Dis-je à mon tour. Le gouvernement a quelquefois ses raisons, répondit l'enfant de Paris, mais il ne les dit jamais. Jugez de la stupéfaction du prince en entendant cet indigne langage. Son Altesse fut frappée d'un tel étonnement qu'elle retomba sur ses 4 pattes. Le lion de Paris en profita pour saluer, faire une pirouette et s'échapper. Son Altesse, sire, jugea qu'elle n'avait plus rien à faire à Paris, que les bêtes avaient grand tort de s'occuper des hommes, qu'on pouvait les laisser sans crainte jouer avec leurs rats, leurs lionnes, leurs cannes, leurs joujoux dorés, leurs petites voitures et leurs gants, qu'il le mieux valut qu'elle restât auprès de votre majesté, et qu'elle ferait bien de retourner au désert. À quelques jours de là, on lisait dans le sémaphore de Marseille « Le prince Léo a passé hier dans Namur pour se rendre à Toulon, où il doit s'embarquer pour l'Afrique. La nouvelle de la mort du roi, son père, est, dit-on, la cause de ce départ précipité. » La justice ne vient pour les lions qu'après leur mort. Le journal ajoute que cette mort a concerné beaucoup de gens en Léonie et qu'elle y embarrasse tout le monde. L'agitation est si grande qu'on craint un bouleversement général. Les nombreux admirateurs du vieux lion sont au désespoir. Qu'allons-nous devenir? S'écrie-t-il. On assure que le chien qui avait servi d'interprète au prince Léo, s'étant trouvé là au moment où il reçut ces fatales nouvelles, lui donna un conseil qui peint bien l'état de démoralisation où sont tombés les chiens de Paris. « Mon prince, lui dit-il, si vous ne pouvez tout sauver, sauvez la caisse. » Ainsi voilà donc, dit le journal, le seul enseignement que le jeune prince remportera de ce pari si vanté. Ce n'est pas la liberté, mais les saltimbanques qui feront le tour du monde. Cette nouvelle pourrait être un puf, car nous n'avons pas trouvé la dynastie des Léo dans l'almanach de Gotha. Ainsi s'achève « Voyage d'un lion en Afrique à Paris et ce qui s'en suivit » par Honoré de Balzac.